Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini avec notre ami Sébastien Marceau. On sait que c'est commandité par BR Metal. Salut Sébastien. Salut Denis. Sébastien, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, cette semaine au club de golf de Dolbeau-Mistassini? Je pense qu'il y a eu un tournoi, hein? J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Oui, en fin de semaine passée, on a eu un quatre meilleurs balles, le Dolbeau Open. On a eu 40 participants. C'était une très belle participation. On a eu une très belle température. On a eu un beau score de moins 12, l'équipe de Raymond Lavoie. Okay. C'est première. La deuxième, c'est l'équipe de Patrice Martin. C'était une très belle compétition. Moins 12 le premier, moins 9 les deuxièmes. Fait qu'on a eu une très belle journée de golf. OK. Hey, dis-moi, y a-t-il un Dolbeau Saint-Prime au Open cette année? Pour l'instant, on est en discussion avec Saint-Prime. Des dates, c'est pas facile à avoir. Il n'y a pas beaucoup de dates de livre. Je suis en train de travailler là-dessus. OK, OK. Dis-moi, on va parler des... Y a-t-il un trou de coup cette semaine? Y a-t-il des belles prestations à mentionner? Ou d'un coup, cette semaine, non. Okay. On n'a pas eu. On a eu encore la Ligue du COVID du mardi, qu'on appelle, qu'on a eu encore 14 équipes de 5h à 6h30 du soir. Donc, c'était très populaire encore cette semaine. Ça fait 3 semaines en ligne qu'on a quasiment 50 à 60 participants. Ah, c'est le bon. Soir. Donc, ça fait du monde. C'est sûr, cette semaine, on s'est fait pogner par la pluie. C'est obligé d'arrêter. OK. Ouais. Mais c'est ça. Au moins, on a du monde. Puis le lundi, c'est la Caroline Fortin nous a parti la journée des Dames de cœur. Il y a quand même eu 16 femmes qui ont été jouées le lundi aussi. Ça n'existait pas les autres années, hein? Non, c'est des nouveautés qu'on a instaurées cette année. Ah, c'est bon, ça. Donc, puis les parties Green Fee continuent à bien aller? Oui, les Green Fee vont bien, les memberships, ça rend une coupe qui ont rentré, des visas. Ah, en fin de semaine, il n'y a rien de spécial que le club de Dolbeau, il n'y a pas de tournoi, rien. Donc, okay. J'invite les gens à venir jouer toute la fin de semaine, ça va être libre toute la fin de semaine. OK. Sébastien, on s'en reparle la semaine prochaine? Et bien beau, Danny. On rappelle que cette chronique est une commandite de BR.